Calme et foulant son lit d'ivoire, dont le seuil orné d'or, sous les plis de la pourpre étincelle, la lydienne rit de sa bouche infidèle au prince de l'Asie. Il leur fait bon accueil. Une massue, espoir des cyclades dans deuil, sur un tapis splendide, est posé auprès d'elle, l'idole radieuse, est fière d'être belle. De ses doigts enfantins, y touche avec orgueil sur son épaule blonde, amoureuse embaumée, flotte la grande peau du lion aimé. Les mains. Son cœur bat de plaisir sous l'horrible dépouille, humide et noir encore du sang des assassins. Hercule est à ses pieds et file une queue. Calme et foulant son lit d'ivoire.